odeur malsaine. Les intentions vilaines s'étendent derrière sa fenêtre, s'exhibe sans aucune gêne. Être nu sous son peignoir, c'est ce qu'il aime en faire. Profiter aux enfants qui traînent, fait germer la mauvaise graine. L'excitation arrive à son point jouissif quand les larmes coulent d'un regard expressif. Le nectar de la domination par le choc devient son art. Quand le manque de spectateurs brûle son exutoire, il se rabat le soir sur son ordinateur ou son nom d'administrateur pour être celui de ma sœur. Il joue, il simule, débusque les jolis cœurs. La pureté de l'innocence réveille ses sens les plus pervers et les photos qu'il diffuse répondent aux mêmes critères. Dans le pire des cas, des rendez-vous se fixent, prémédités, maquillés sans risque. Mais demain c'est une fillette de 12 ans qui finira souillée, noyée pour avoir trop cliqué sur ce site que les parents n'ont pas eu l'idée de bloquer. Trop tard, les regrets sont là, la vie est gâchée. Le futur s'arrête là pendant que le mal continue à prospecter. On n'est pas toxico, mais par le biais de ce micro, sur ce morceau, on fume des pédos. No, pédo, no, no, pédo. On n'est pas toxico, mais par le biais de ce micro, sur ce morceau, on fume des pédos. No, pédo, no, no, no. Tu es un porc, un monstre de l'homme, tu es la honte. Malade, tu es crade sale, tu mérites une balle. Tu irrites cette planète, je te souhaite la famine, de périr dans les flammes, je parle en père de famille. Massacreur d'enfance, profitant de l'innocence, tu brises des vies, ta démence ne mérite pas la clémence. Peu importe si ton père faisait pareil avec toi, écoute cette fille, cette voix, comment oses-tu faire ça? Opérant seul ou nombreux avec outils, ou juste une bite, ou juste une vie dans tes mains, qu'importe, tu te fais du bien. Tu as vidé son cœur en même temps que ton sperme, exterminant ses rêves, à terme parfois il crève. Et toi tu te retrouves dans l'ombre, recherchant de nouvelles proies. C'est mon labeur derrière toi et tu ne t'en veux même pas, affichant tes trophées sur des sites maléfiques. Le mal est fait, ça fait de l'effet, les voyeurs ont la tri. Mesure le prix de tes fantasmes et je te jure sur ma vie que tes frasques inhumaines te coûteront cher, mon ennemi. Si je te trouve, toi et ta chair, je m'occuperai de tes affaires. Je te ferai vivre l'enfer et tu paieras pour tous tes enfants. On n'est pas toxico, mais par le biais de ce micro, sur ce morceau, on fume des pédos. No, pédo, no, no, pédo. On n'est pas toxico, mais par le biais de ce micro, sur ce morceau, on fume des pédos. No, pédo, no, no, no. Comme tout criminel, le pédophile commence en bas de l'échelle. Quand le visuel, l'artiste plus ses pulsions, il passe rapidement au prochain échelon. Le tourisme sexuel, il l'a vu à la télévision, sur un compte à haute rémunération. Il a placé un paquet de pognon, les vacances seront riches en sensations. C'est une certitude, à l'hôtel facile de contourner la réception. Les vigiles sont dispo pour assurer la livraison. Il y en a pour tous les goûts, de tous les âges, même celles qui n'ont pas de nichon, ils passent, les parents laissent faire, encaissent les bénéfices du carnage. Cameroun, Thaïlande, les circuits peuvent se faire en bande. Dans les entreprises, à la mode sont les séminaires. Les frais sont payés et tout est bon pour se distraire. Vogue la galère, on ne donne pas cher de ces âmes perdues. Même si le phénomène s'ébruite, dans 6 mois on n'en parlera plus. En parallèle, dans de vieux apparts de glauques, les films en numérique tournent en mode repeat devant les yeux du principal acteur qui, avec un sourire sadique, s'instique la bite. Abominable, tu as la dalle, aussi faible que minable. Un animal détestable, aucune morale, que dalle. Tu fais ton tab au bureau, rêvant d'une chatte de 6 ans, excisant l'amour d'un gosse parfois retrouvé gisant. Visant les plus faibles, lisant sur leurs lèvres l'appel au secours, mais personne les entend. Tu jouis sur ta cible, elle est triste et fébrile. Elle pleure, tu l'enfiles, à mort pédophile. On n'est pas toxico, mais par le biais de ce micro, sur ce morceau, on fume des pédos. No, pédo. On n'est pas toxico, mais par le biais de ce micro, sur ce morceau, on fume des pédos. No, pédo, no, no, no. Puis il faisait des prières, il violait les enfants, il leur faisait peur, et puis il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient, ils nous endormaient avec des espèces de bouillies. puis il nous attachait aussi sur des tables et puis il nous frappait ou il nous mettait des aiguilles auprès des yeux pour nous faire croire qu'il voulait nous crever les yeux. Et est-ce qu'il vous faisait réellement du mal? Est-ce qu'il vous donnait des coups? Ben oui. Oui, il voulait nous frapper. Qu'est-ce que tu nous as décidé? C'est horrible.